tête à faire ce qu'on aime. Quand l'inspire s'enflamme, je suis comme un pervers devant 100 femmes. Je mange sans faim, enfin quand je gratte, je fais pas de peine de corps. Grosso mort dans le casque, je me perds trop loin. Comme plus d'un souris devant la vie et ses coups de putain. Un couplet de plus ou de moins, qu'est-ce que je m'en parle, mec. J'écris aux toilettes, retiens ces trois lettres. LPK, MC, travailleur acharné, acharmé des prods. Sans flûte avec mon bic et ma gorge. Seulement, je m'en bats, pas de flingue ni de pute. Je trinque à mes potes et tous les squatteurs d'arrêt de bus. On ne m'arrête plus car les vraies valeurs sont en deuil. Si l'amour est aveugle, c'est qu'une bite n'a pas d'œil. Et les meufs veulent un mari honnête, le prendre pour une marionnette. Du parfum marionneau et se faire prendre dans le vrai. J'ai peur pour mes gosses, je vais devoir assumer. Trop de choses à dire, c'est qu'à 16 ans guise de résumé. Je quitte sans thème quand l'inspiration m'emporte. Je défonce les portes dans le rap quand l'instrument mène. Faut que je me vide la tête, mon crâne pèse lourd. Le son me rend ouf, à chaque pas c'est la fête. J'en ai la chair de poule et les poils qui se dressent. Je suis déterminé, ça c'est pas terminé. La prod c'est comme une pute qu'on vient corriger. La violenter, la faire crier pour le plaisir de rapper. Kicker sans thème, je t'avoue que je me perds, c'est vrai. Alors je persévère dans des textes sévères. Je suis qu'un artiste qui adore la musique. Souvent mon art est triste, mais ça reflète ma vie. Même sans thème, on s'entête à faire ce qu'on aime. Même sans thème, on s'entête à faire ce qu'on aime. On est là pour freestyle et tous tes MC vont se tailler, vont stagner. Promis cette année, je vais tout dévaster. Ça va valser, écoute ma gueule avale ça. Sur le CD d'LPK, on fait pas de la salsa. Sur le papier, j'ai gratté, faut que les formations ne lavent pas. Je fais des photos bien fringuées, ta go me guette sur Insta. Instable, un peu comme un rasta. J'arrive à niquer ta go et pourtant je me rase pas. LPK, Nito, LGDR et même GRC. On gratte des versets pour le fun, on s'en tape de percer. On est parti sans thème, ne crois pas qu'on s'enterre. Un avertissement juste avant de sortir les chrysanthèmes. On n'est pas mort, on fait nos bas et nos dièses dans l'ombre. Réunion d'MC avec de l'encre jusque sous les ongles, okay. On fait le taf et tant pis s'il ne passe pas sur les ondes. On se réjouit de voir les autres bouger sur nos sons. Comme à l'époque, on se fait plaisir avec les potes. En cas d'Asie, on kick la prod, rien de plus magique dans le fond. Ma plume débloque, c'est pas des blagues. J'essaie de contrôle, des fois c'est hardcore. Pardonnez-moi si je vole quand l'instru fait des vagues. Je virevolte, me laisse aller au gré de la mélodie. Je suis ce message qui pour certains restera inaudible.